بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le premier séminaire intensif du Marquez Al-Ghuraba pour nos frères de Montpellier. Avant de commencer, je tenais à remercier les responsables du Marquez Al-Ghuraba, plus particulièrement notre frère Youssouf, qu'Allah le préserve, de m'avoir gentiment demandé de participer à ce séminaire, et je le remercie de la bonne pensée qu'il a à mon égard. Donc, je me propose de vous lire le hadith communément appelé Hadith Jibril, ce grand hadith, ce grandiose hadith, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique ce qu'est l'islam, la foi, l'excellence et quelques signes de la fin des temps. Donc, je me suis basé en grande majorité pour l'explication de ce hadith, de l'explication donnée par Al-Allama, le grand savant, le noble savant, Sheikh Al-Fawzan. Donc on va commencer dans un premier temps par lire le hadith, et ensuite nous prendrons son explication. An Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, donc il est rapporté par Omar ibn al-Khattab qu'Allah l'agré, qala baynama nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhat al-yawmin idh tala'a 'alayna rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'r. Un jour, lorsque nous étions assis auprès du messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, est apparu un homme aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. La yura alayhi atharu safar. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage. Wa la ya'rifuhu minna ahad. Et personne d'entre nous ne le connaissait. Hatta jalasa ila nabihi sallallahu alayhi wa sallam. Il vint donc jusqu'à s'asseoir auprès du messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatay wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Et donc, il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses deux cuisses. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Et il dit: Oh Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, de répondre: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc il dit: l'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y ait de divinité digne d'adoration qu'Allah, que Mohammed est l'envoyé d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as les capacités. Qala sadaqt. Il lui dit, tu dis vrai. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Nous nous étonnâmes qu'il lui pose la question puis confirme sa réponse. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Il lui dit ensuite, informe-moi au sujet de la foi. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. Il lui répondit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qala sadaqt. Il lui dit, tu dis vrai. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Il lui dit ensuite, Jibril, informe-moi au sujet de l'excellence. Qala an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. L'excellence, il répondit, consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si certes tu ne le vois pas, lui te voit. Qala fa akhbirni 'an as-sa'ah. Il lui dit ensuite, informe-moi au sujet de l'heure. Qala mal mas'ul 'anha bi'a'lam min as-sa'il. Il lui dit, celui que tu questionnes n'en sait pas plus que celui qui questionne. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Il lui dit, informe-moi au sujet de ses signes. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Il dit que la servante engendre sa maîtresse, donne naissance à sa maîtresse, et que tu vois les va-nu-pieds, les indigents, les pauvres bergers de troupeaux se concurrencer dans l'édification de hautes constructions. Qala thumma intalaqa. Ensuite il partit. Falabithu maliya. Je suis resté un moment, un certain temps. Thumma qala li. Ensuite il me dit, c'est-à-dire l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à Omar. Ya Omar, atadri man is-sa'il? Ô Omar, sais-tu qui est le questionneur? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Je répondis, Allah et son messager savent mieux. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Rawahu Muslim. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc, on voit dans ce hadith que les compagnons étaient assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée pour une assise de science comme à leur habitude. Ils y apprenaient la science et profitaient des orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme cela que doit être une mosquée. En plus d'y accomplir les 5 prières obligatoires, on doit y trouver la science bénéfique. La science bénéfique qui n'est autre que Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les sahaba radiallahu anhum ont dit. C'est comme ça qu'Ibn al-Qayyim notamment a défini al-ilm, la science. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, cette fonction dans les mosquées, très souvent, elle a, pour ne pas dire disparu, mais en tout cas elle ne remplit pas son rôle comme il devrait. Et lors d'une de ces assises, un homme est rentré, avec un aspect étonnant. Un homme qu'il ne connaissait pas, aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. Et Omar, radiallahu anhu, qu'Allah agrée, dit à son propos, « Personne de nous ne le connaissait. » Comment Omar peut-il savoir que personne ne le connaissait? Lui ne le connaissait pas, mais comment peut-il dire que personne ne le connaissait? Dans d'autres versions du hadith, il est dit que les compagnons se sont regardés les uns les autres en se demandant si l'un d'entre eux le connaissait. Et chacun a répondu que non. Donc ça, on le sait par d'autres versions. Et il est important de rassembler les versions, car très souvent, chaque version ramène des informations utiles, précieuses, que l'autre version ne ramènera pas. Ce qui était donc étonnant dans son allure, c'est qu'il était tout de blanc vêtu, pas de poussière, pas de saleté, qui montrerait qu'il vient de voyage. Le voyage à l'époque, ce n'est pas le voyage aujourd'hui. À d'autres chameaux, dans le désert, ça laisse des traces. Ses cheveux étaient tout noirs, bien coiffés et non pas ébouriffés, comme c'est souvent le cas lorsqu'on était en voyage à cette époque, comme l'étaient les cheveux de ceux qui voyageaient. Il n'était donc ni ash'atha arbara, comme il est venu dans le hadith, ni poussiéreux, ni ébouriffé, ni poussiéreux. Il n'était donc pas voyageur, par ses indices. Mais en même temps, il n'était pas de Médine, car personne ne le connaissait. C'est ça qui était étonnant chez cet homme. Cet homme, en réalité, c'était Djibril, qui est venu sous la forme d'un homme. Et cela était son habitude, de venir sous la forme d'un homme. Car l'être humain ne peut pas voir l'ange sous sa forme réelle. Il ne saurait le supporter. Djibril, alayhi salam, s'est présenté sous la forme réelle, sous sa forme réelle au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que deux fois. La première fois, à Batha, qui est une vallée à Mecca, où il est venu encourager notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au début de son prêche, lorsqu'il se voyait refusé par beaucoup de gens, repoussé par beaucoup de gens, il l'a encouragé à patienter dans son prêche. Et la deuxième fois, c'était la deuxième fois où il est apparu au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sous son apparition véritable, c'est au Sidratul Muntaha, au lotus de la limite, lors du voyage nocturne et de l'ascension. Ce lotus de la limite qui est la limite au-delà duquel Djibril ne peut aller. Il était donc dans une belle apparence, tout de blanc vêtu, les cheveux bien coiffés, pas de poussière. Et c'est ainsi que doit être l'étudiant en science lorsqu'il demande la science. Il y a en cela une indication au bon comportement de l'étudiant en science. Et le comportement lors de la recherche de la science est très important, au point que les savants ont écrit des livres à ce sujet. Je vous invite notamment, un livre parmi d'autres, à lire Kitab al-Ilm de Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Car ce comportement, lorsqu'il est comme il doit être, il est une des causes de la baraka dans sa recherche de la science, une des causes de la bénédiction d'Allah dans notre recherche de la science. Il s'est ensuite assis en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en posant ses genoux contre ses genoux, c'est-à-dire en se rapprochant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en posant ses mains sur ses cuisses. Là, il y a une question, est-ce ses propres cuisses ou sur les cuisses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il y a eu sur ce point divergence entre les savants. Certains ont dit que c'était sur ses propres cuisses, et ils ont avancé l'argument que les cuisses faisant partie des parties intimes, ça ne se faisait pas chez les Arabes que de poser ses mains sur les cuisses d'un autre homme. Ensuite, donc de là aussi, dans cette manière de s'asseoir, on voit aussi le comportement de l'étudiant en sciences, complètement tourné vers l'enseignant, afin de ne rien manquer de ce qui va être dit. Et ensuite, il a commencé à le questionner. La première des questions a été « Informe-moi à propos de l'islam ». C'est-à-dire « Explique-moi ce qu'est l'islam. Explique-moi sa réalité. » Car il ne suffit pas de s'affilier à l'islam sans savoir ce qu'est l'islam, réellement. Comment pourrais-tu pratiquer l'islam correctement si tu ne sais pas ce qu'est l'islam réellement ? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant: l'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Mohammed est son messager, que tu accomplisses la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée à Mecca si tu en as la capacité. Il lui a donc répondu à cette question en lui citant les cinq piliers de l'islam. L'islam, bien entendu, est beaucoup plus vaste que cela. Mais il lui a répondu par l'essentiel, c'est-à-dire ses piliers, les cinq piliers sur lesquels l'islam repose. Les cinq piliers que si l'un de ces piliers venait à manquer, c'est l'islam de cette personne qui n'est plus. L'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, se conformer à son ordre par l'obéissance et le désaveu du shirk et de ses adeptes. C'est ça la définition que les savants donnent de l'islam. Et l'islam est donc basé sur cinq piliers, cinq principes qu'a énuméré notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une leçon de pédagogie. Jibril alayhi sallam lui a demandé de lui expliquer l'islam. Il s'est contenté de répondre par l'évocation des cinq piliers. Il s'est donc contenté de répondre en évoquant l'essentiel. Bien sûr que l'islam est beaucoup plus vaste que cela, comme on l'a dit. Mais est-ce que cela conviendrait à quelqu'un qui cherche à s'informer de l'islam pour la première fois que de rentrer dans tous les détails de tous les aspects de l'islam? À force, parfois, à vouloir donner trop de détails, trop d'informations, notre interlocuteur ne ressort finalement avec rien de précis. Alors que lorsque l'on limite notre réponse à quelques points, cela est bénéfique pour notre interlocuteur, il peut ressortir en énumérant ces points. Et donc le premier des piliers que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité, c'est l'attestation. L'attestation qu'il n'y a de divinité d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son messager. Et là aussi, il y a une leçon de pédagogie. Il a commencé par le plus important. Et c'est comme ça que l'on doit faire lorsqu'on appelle les gens à une chose, notamment à l'islam. On doit commencer par ce qui est le plus important. Ces deux attestations, l'une est inséparable de l'autre. La première, « La ilaha illallah », il n'y a de divinité digne d'adoration, est composée de deux piliers. « La ilaha », il n'y a aucune divinité, qui signifie donc qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Et non pas qu'il n'y a pas de divinité tout court qui existe, car des divinités adorées, il y a en réalité, pour celui qui observe le monde, il y en a une multitude. Il y en a une multitude. Certains adorent le soleil, d'autres adorent les vaches, certains adorent les pierres, d'autres des tombeaux. Mais la ilaha signifie qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration. Ce digne d'adoration, d'où on le tire, il faut savoir qu'ici en arabe, il y a un khabar, c'est-à-dire une information, un digne d'être adoré, un haqqun en arabe, qui a été supprimé. Pourquoi elle a été supprimée? C'est une habitude dans la langue arabe que de supprimer des choses qui sont évidentes. Et pour les Arabes de cette époque, lorsqu'on disait « la ilaha », ils comprenaient que ce qui était voulu, c'était « la ilaha haqqun ». Il n'y a pas de divinité véritable, c'est-à-dire digne d'être une divinité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, qui signifie selon la traduction du sens, c'est ainsi qu'Allah est le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Donc on voit bien, pour les Arabes c'était une évidence que le khabar, l'information supprimée, était digne d'adoration. Il n'y a de divinité digne d'adoration. Et non pas, il n'y a pas de divinité. Comme on l'a dit, des divinités, il y en a plein. Le mot ilah, la ilah, en langue arabe, signifie l'adorer. El-ma'boud. Et non pas le Seigneur. Ar-Rab. Et sur cela, il y a consensus des savants de la langue arabe. Donc, par la ilaha, on refuse le statut d'adoré, c'est-à-dire digne d'être adoré à tous. Et il faut savoir que dans le la ilaha, ce la en langue arabe, c'est ce qu'on appelle la nafya lil jins. C'est un la de la négation catégorique. C'est-à-dire, elle refuse à quiconque le statut d'être adoré, d'être digne d'être adoré. Et ensuite, illallah. Et ensuite, on vient avec illa, qui est avat ou listisna, une particule d'exception. On ne fait qu'une seule exception. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On accorde ce droit d'être adoré à Allah uniquement. Donc, il y a dans cette formulation, comme l'ont mis en avant les savants du discours et de la rhétorique, « La ilaha illallah », il y a une des formes d'exclusivité les plus fortes en langue arabe. C'est-à-dire une particule d'exception, « illa » précédée d'une négation, « la ». Et c'est une des formes les plus fortes de l'exclusivité pour exprimer l'exclusivité en langue arabe. Donc ce statut d'être digne d'être adoré, c'est-à-dire que l'adoration qu'on va porter soit juste et elle est destinée avec toute justice à qui elle doit être destinée, elle n'est valable que pour Allah. Toute adoration destinée à un autre qu'Allah ne saurait être qu'une adoration fausse et non acceptée. Car elle serait forcément destinée à celui qui ne la mérite pas. Car celui est le seul qui la mérite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut bien comprendre que le mot ilah, il signifie al-ma'boud, l'adorer, et non pas rab, comme on l'a dit. L'attestation ne vient pas nous dire qu'il n'y a de seigneur qu'Allah. Même si cette information est vraie, ce n'est pas le but de cette attestation. Car le fait d'attribuer à Allah azza wa jal l'attribut de seigneurie, ce n'était pas quelque chose qui posait problème chez les Arabes du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là où il y avait dispute entre le prophète et son peuple, c'est sur le fait de n'accorder cette adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est le seul sans associé qui mérite cette adoration? Car il est le seul sans associé à avoir les attributs de seigneurie. C'est le seul créateur, c'est le seul pourvoyeur, c'est le seul qui gère cet univers sans associé. C'est le seul qui fait vivre, c'est le seul qui fait mourir, c'est le seul qui soigne, c'est le seul qui accorde les épreuves et c'est le seul qui nous libère de ces épreuves. Donc comme il est le seul à avoir les attributs de seigneurie, c'est le seul seigneur, tout naturellement c'est le seul qui mérite cette adoration. Car c'est le seul qui peut nous être bénéfique et c'est le seul qui peut nous nuire si il en a envie. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la deuxième partie de cette attestation, « Wa anna Muhammadan Rasulullah ». Et j'atteste que Muhammad est l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah. On atteste, on approuve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah à tous les êtres humains, ainsi qu'à tous les djinns. On doit reconnaître cela également intérieurement et non uniquement par la langue. Allah dit « إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ » qui signifie selon la traduction du sens, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Donc on voit bien à travers ce verset que uniquement le dire par la langue, si ce n'est pas suivi d'une croyance du cœur, si ce n'est pas à la base une croyance du cœur, cela n'a pas d'intérêt, cela ne profite pas à celui qui l'a dit. Donc les munafiqoun, les hypocrites du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en apparence disaient à cette attestation. Ils attestaient que Mohammed était le messager d'Allah, mais au fond d'eux, ils avaient ce doute et ils avaient encore cet attachement, ce fanatisme envers leur divinité qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils n'arrivaient pas à délaisser. De même, celui qui la reconnaît intérieurement, mais qui se refuserait de le dire par la langue, son attestation non plus ne saurait être valable. Donc on voit bien que pour qu'une attestation soit réellement une attestation, il lui faut deux choses. Qu'elle soit basée sur une réelle croyance du cœur et exprimée par la langue. Si l'un des deux venait à manquer, alors c'est l'attestation qui devient nulle. Et attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager, cela implique certaines choses. Car notre attestation par la langue implique des croyances et des actes. La première de ces choses que cela implique, le croire sur tout ce qu'il informe. Tasdiquhu fima akhbar. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet des passions, mais c'est une révélation qui lui est faite. Ensuite, la deuxième chose qu'implique le fait de témoigner que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, on doit lui obéir sur tout ce qu'il nous ordonne. Ta'atuhu fi ma amar. Et on doit, troisième chose, s'écarter de tout ce qu'il nous interdit. Ijtinabu kulli ma naha anhu wa zajar. Allah nous dit à propos de ces deux principes, Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Et il nous dit également, Wa in tuti'u tahtadu. Quiconque obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et il nous dit dans un autre verset, selon la traduction du sens, et si vous lui obéissez, c'est-à-dire au messager, alors vous serez guidé. Et Allah nous dit également, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous défend, privez-vous-en. Donc on voit, à travers ces versets qu'on a cités, que le fait que d'attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, implique qu'on doit obéir à ce qu'il nous ordonne et s'écarter de tout ce qu'il nous interdit. Dernière chose qu'implique le fait d'attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est qu'on ne doit adorer Allah qu'avec ce que notre prophète nous a légiféré. Wa an la ta'bud Allah illa bima shara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Quiconque accomplit une action sur laquelle il n'y a pas notre ordre, c'est-à-dire notre enseignement, verra son action rejetée. Et donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain, donc il ne doit pas être adoré. Celui qu'on adore, c'est Allah, mais c'est un prophète et il doit donc être obéi. Et c'est même le dernier des prophètes. Et sa religion avec laquelle il est venu, elle est pour l'ensemble de l'humanité, hommes et djinns. Donc on voit que cette attestation, elle implique des choses. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit avec la langue et qui derrière n'aurait pas de conséquences. Tout comme le fait d'avoir témoigné qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne de l'adoration. Lorsque celui qui dit ça, la ilaha illallah, ça implique aussi des choses. Notamment que Allah déjà existe. Ça implique aussi de reconnaître qu'il est le Seigneur, Al-Khaliq, le Créateur, Al-Muhi, Al-Mumit, Al-Razzaq, qui est celui qui fait vivre, qui accorde la subsistance, Al-Mudabbir, celui qui gère cet univers. Et c'est pour ça qu'il est le seul qui mérite l'adoration, comme on l'a dit. Et ça implique de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est, ou il possède plutôt les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Et cette attestation, donc si on l'a dit avec croyance, elle implique qu'on se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se soumette à sa législation, elle implique qu'on ait peur de lui, une vraie peur qui nous pousse à nous écarter de ceux qu'il déteste. Et c'est aussi, cette attestation nous pousse à aimer, car on sait que c'est lui qui nous a créés, et que c'est lui qui nous pourvoit, et que c'est lui qui nous accorde ses bienfaits de toutes sortes, qui sont innombrables. Ensuite, à la question « qu'est-ce que l'islam ?», le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité l'attestation, il a cité le deuxième pilier, la salah, la prière, c'est-à-dire les cinq prières obligatoires, quotidiennes, qu'Allah nous a ordonnées. Et en arabe, il a utilisé le mot « tuqim », qui signifie « accomplir », mais pas n'importe quel accomplissement. Accomplir avec le respect de ses conditions, de ses piliers, de ses obligations, de son temps. Car la prière a des conditions, a des piliers, a des obligations, a des sunnans, des actes qui font partie de la sunna, qui ne sont pas une obligation dans la prière, mais qui en parfont celle-ci. Donc, n'oubliez pas que la prière doit être accomplie dans son temps imparti et que cela fait partie des actions les plus aimées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, as-salatu fi waqtiha, comme il est venu dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. Elle doit être accomplie avec présence du cœur, humilité, khushu'a. Allah nous dit dans le Coran, qad aflaha al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un, qui signifie selon la traduction du sens, bienheureux sont les croyants qui prient avec recueillement et humilité. Elle doit être accomplie pour les hommes dans les mosquées. N'oubliez pas que comme cela est venu dans des hadiths, même l'aveugle, il ne lui a pas été permis de prier chez lui. Cet aveugle dans le hadith qui était venu chercher une autorisation de rester chez lui, que le prophète a voulu lui accorder dans un premier temps et ensuite il lui a dit « Atasma'un nida, entends-tu l'appel ?» Et il lui a répondu « Na'am » et le prophète de lui dire « Sallallahu alayhi wa sallam fa ajib » répond à cet appel. Donc il ne lui a pas donné d'autorisation de prier chez lui, un aveugle qui n'a personne pour l'amener à la mosquée. Cette prière en groupe pour les hommes, elle n'a même pas été délaissée pendant la guerre, en combat, imaginez-vous, avec le stress que cela peut procurer, la peur qu'on peut avoir à ce moment-là, elle n'a pas été abandonnée. Elle a été faite d'une autre manière, mais ils l'ont quand même priée en groupe. Cette prière en groupe pour les hommes, qui a poussé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète de la miséricorde, ce prophète qui était toujours inquiet pour sa communauté, qui était connu pour sa douceur, sa bienveillance envers sa communauté, il a pensé à délaisser la présidence de la prière et faire sortir avec des hommes pour brûler la maison de ceux qui ne répondaient pas à l'appel. Ce qui vous montre le caractère extrêmement important de la prière en congrégation, en groupe pour les hommes. Et on a des hadiths où les sahaba radiallahu anhum nous disent que seule une personne connue pour son hypocrisie délaissait cette prière en congrégation, c'est-à-dire en groupe. Et on a des athar de salaf qui nous dit que celui qui délaisse la prière en groupe, il a une caractéristique de femme, car c'est aux femmes qu'il est demandé de prier chez elles. Cette prière, mes frères, qui est la première action sur laquelle on va devoir rendre des comptes, comme il est venu dans des hadiths rapportés notamment par Abu Daoud, ou Tirmidhi, ou Nasa'i. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama min amalihi salatu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. » Il nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première œuvre sur lequel le serviteur sera jugé le jour du jugement, c'est sa prière. Si elle est bonne, acceptée, alors il aura réussi et il sera sauvé, c'est-à-dire du feu. Et si cette prière n'est pas bonne, elle est corrompue, elle est altérée, alors il sera déçu et il sera perdu. Donc on voit l'importance que le musulman doit accorder à cet acte. Et il doit tout faire, avoir le souci que cette prière soit acceptée. Et donc c'est pour ça qu'il convient de lui accorder de l'importance dans son étude, d'en connaître les conditions, les piliers, d'en connaître les obligations, les sunnans, de savoir réparer sa salate lorsque on a fait une erreur, un oubli ou un rajout. C'est une œuvre qui nous accompagne toute notre vie et auquel on doit accorder toute notre vie une extrême attention. Ensuite, le troisième pilier, ensuite donc la troisième chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous cite, c'est le troisième pilier, la zakat, an tu'ti az-zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit في القرآن وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Et dans leurs biens, il y a une partie réservée aux mendiants et aux démunis. C'est donc un pilier, une obligation pour quiconque a atteint le montant imposable, qu'on appelle un nisab, pendant une année égérienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe al-hawl, que de donner une partie de ses biens aux catégories qu'Allah nous a explicitées dans son livre. Et je vous invite à retourner au verset 60 de la sourate At-Tawbah, où Allah nous dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Qui signifie: l'aumône légale est réservée aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux dont les cœurs sont à gagner, les fraîchement reconvertis à l'islam, à l'affranchissement des esclaves et au rachat des captifs, aux musulmans incapables de rembourser leurs dettes, à ceux qui luttent pour la cause d'Allah et aux voyageurs démunis. Voilà ce qu'Allah vous impose, et Allah est omniscient et infiniment sage. Les ayants droit à la zakat ne sortent pas de ces catégories fixées par Allah. Et quiconque renie l'obligation de la zakat aura certes mécru. Et quiconque reconnaît son obligation, son caractère obligatoire, mais ne la sort pas, par avarice notamment, aura commis un grand péché. Ani kabira, kabira min al-kaba'ir. Ce qui nous montre que c'est une kabira notamment, c'est qu'Abu Bakr radiallahu anhu avait d'ailleurs combattu ceux qui avaient refusé de lui remettre la zakat lorsqu'il était calife après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, mes frères, nous sommes dans un hadith de portée générale, une présentation globale de ce que c'est l'islam, mais il convient à tout à chacun d'aller étudier le chapitre de la zakat. La zakat, elle n'a pas lieu que sur les biens, elle a lieu sur les bijoux, elle a lieu sur l'or, l'argent, elle a lieu sur le troupeau, elle a lieu sur les récoltes. Et chaque catégorie, il est expliqué en détail les montants qui doivent être donnés. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa réponse à la question « Qu'est-ce que l'islam ?», il lui cite à Jibril alayhi sallam, le quatrième pilier, qui est le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. » C'est au mois de Ramadan que fut révélé le Coran, jusqu'à « Quiconque parmi vous est présent ce mois » devra donc jeûner. C'est donc un pilier pour celui qui en a les capacités. Il consiste à s'abstenir de boire et manger, ainsi que du rapport charnel et tout autre annulatif du jeûne, de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Car si c'est juste l'abstention de ces choses-là sans l'intention d'adorer, ce n'est ni plus ni moins un régime. Et il faut également ici retourner au livre de jurisprudence pour étudier ses règles, pour étudier ses modalités. Ici, nous voulons juste une présentation succincte de ce qu'est l'islam. Néanmoins, on rappellera brièvement que pour nous les musulmans, c'est un mois grandiose. C'est un mois durant lequel le Coran est descendu. C'est un mois si important qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservé le fait de récompenser les jeûneurs, comme il est vu dans le hadith Abu Huraira. C'est un mois qui contient la meilleure des nuits, Laylatul Qadr, qui vaut 1000 nuits. Donc c'est un mois où les shayatines sont enchaînées, et donc c'est un mois où très souvent il nous est plus facile d'accomplir des bonnes œuvres et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous n'avons plus que notre âme à combattre. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa réponse à « Qu'est-ce que l'islam ?» informant-moi au sujet de l'islam, il lui cite le cinquième pilier, le dernier, al-hajj, le pèlerinage. Au niveau linguistique, il signifie de se rendre à un endroit, al-qasd. Al-hajj, ça signifie le fait de vouloir se rendre à un endroit. Au niveau religieux, car les termes en langue arabe, en religion, ils ont deux significations, une linguistique et une religieuse, des fois même aussi une technique, et ça fait partie de l'habitude des savants de donner les diverses définitions afin de mieux saisir la réalité du terme. Donc au niveau religieux, c'est le fait de se rendre à la maison sacrée d'Allah, qui est à Mecca, afin d'y accomplir les rites du Hajj et de la Umrah. Le Hajj est donc à un endroit déterminé, la Mecque, et à un temps déterminé, le mois de Dhul-Hijjah. Alors que la Umrah, par contre, elle peut s'accomplir à tout moment de l'année. Ce Hajj, il n'est obligatoire que pour celui qui en a la capacité. Qu'est-ce que ça signifie avoir la capacité? C'est-à-dire la capacité physique, qu'il puisse supporter ce voyage et l'accomplissement des rites. Et deuxième aspect de la capacité financière. Qu'il ait de quoi voyager, de subvenir à ses besoins une fois là-bas et de laisser à ceux qui sont à sa charge de quoi vivre pendant son absence. C'est une obligation, ce Hajj, une fois au minimum dans la vie. Et celui qui en a les moyens doit l'accomplir de suite et ne pas la retarder. Car c'est ça la base dans l'adoration, c'est-à-dire l'obéissance sur le champ, « al al-fawr » comme le disent les Arabes. Prenons un exemple, ça c'est une erreur très largement répandue, notamment chez les plus anciens, de penser que le hajj c'est le voyage d'une vie, et donc que je vais le laisser pour la dernière partie de ma vie, car ils pensent que, entre guillemets, je vais terminer sur une bonne note, car après je veux ne pas faire de péché. Mais c'est en réalité une erreur, car la base, comme on l'a dit, quand Allah nous ordonne de quelque chose, c'est de le faire tout de suite, sauf s'il y a un texte qui nous délimiterait un temps précis. Prenons un exemple mondain. Walillahi al-mathalu al-a'la. Si je donnais l'ordre à mon fils d'aller me chercher un verre d'eau, et que mon fils me dise oui, Abi, oui, papa, mais qu'il ne vienne que 3 heures après, je serais certainement très en colère et je ne comprendrais pas que mon fils n'ait pas obéi à mon ordre sur le champ. Donc imaginez-vous cette adoration vis-à-vis d'Allah. Allah vous donne les moyens, ce qui est un fadl, une ni'ma, un bienfait. Il vous donne les moyens de pouvoir accomplir ce hajj. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, certains ne l'ont même pas toute leur vie. Il vous ordonne de venir le voir, c'est une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous repoussez cette invitation. C'est une grave erreur également, car personne n'a la certitude, n'a un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va vivre le temps qu'ils escomptent. Personne n'a la certitude qu'il va atteindre les 50, 60 ou 70 ans. Et il peut donc se voir surpris par la mort à tout moment. Combien de gens meurent jeunes? Donc cette capacité, dès qu'elle est là, le musulman doit accomplir le hajj sur le champ. Donc voilà pour la présentation des cinq piliers qui ont constitué la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la question de Jibril alayhi salam, akhbirni anil islam. Informe-moi au sujet de l'islam. Ensuite, Jibril alayhi salam dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sadaqt, tu as dit vrai. Ce qui a surpris et étonné les compagnons, as-sahaba radiallahu anhum. Comment peut-il interroger et ensuite valider lui-même la réponse? Mais en fait, on le sait à la fin du hadith, ces questions n'ont eu pour but que d'enseigner aux gens qui étaient présents. Mais le questionneur, Jibril alayhi salam, lui connaît les questions. D'ailleurs, si on regarde à la fin du hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Innahu Jibril, c'est certes Jibril, atakum liu'allimakum dinakum. » Ou « Atakum yu'allimukum dinakum. » Il est venu pour vous enseigner. Donc Jibril alayhi salam, dans le hadith, c'est lui qui questionne. Mais pour autant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui attribue à lui, Jibril, le fait d'avoir enseigné. Pourquoi? Parce que ces questions n'étaient pas suite à une ignorance de Jibril. Bien au contraire, lui, il connaît. Mais elles avaient un but, c'était d'enseigner à l'auditoire, c'est-à-dire aux gens qui étaient présents avec le prophète, c'est-à-dire ses compagnons. Radiallahu anhum ajma'in. Ensuite, il le questionne, Jibril alayhi salam, donc notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la foi, l'iman. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre, l'iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc l'iman, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon et mauvais. Là aussi, même méthodologie, même pédagogie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui citant les six piliers de la foi. Il lui a répondu par l'essentiel. La foi, c'est un sujet vaste, mes frères. Les savants ont écrit des volumes et des volumes, des encyclopédies sur la foi. Mais là, le prophète s'est contenté de l'essentiel. Et c'est comme ça que l'on fait avec les gens lorsqu'on veut leur enseigner. On commence par l'essentiel. Et on y va, ce qu'on appelle en arabe, tadarrujan, petit à petit, shay'an fa shay'an, étape après étape. La foi au niveau linguistique, c'est la ferme croyance dépourvue de toute incertitude. Et au niveau religieux, c'est une parole prononcée par la langue, une croyance qui émane d'une croyance du cœur et des actes accomplis par les membres. La foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Donc voilà une définition de la foi. Donc la foi, comme on vient de le voir dans la définition, elle augmente et elle diminue. Et ça, c'est un point crucial de la croyance des gens de la sunna et du groupe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Innama al-mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana » وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Qui signifie, selon la traduction du sens, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent de peur à l'évocation d'Allah, dont la foi augmente à l'écoute de ces versets. هذا هو الشاهد. C'est ça la partie argumentative du hadith, du verset, pardon. La foi augmente à l'écoute de ces versets et qui s'en remettent entièrement à leur Seigneur, ceux qui accomplissent la prière et offrent par charité une partie de ce que nous leur avons accordé, voilà les vrais croyants. Donc leur cœur frémisse, donc il y a une foi, il y a une croyance, leur foi augmente, hein, et ils accomplissent la prière et offrent la zakat et donnent la charité, hein, qu'on voit aussi là que la foi, hein, comprend les actes du corps et du cœur et de la langue. Et le hadith, الإيمان بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Qui signifie: la foi comporte une soixantaine de branches. Bid'un, c'est un terme qui signifie entre 3 et 9. Donc entre 63 et 69 branches. La plus haute, قول لا إله إلا الله. Donc la plus haute est une parole de la langue. وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. La plus basse, c'est le fait de retirer un obstacle du chemin. Et donc ça, c'est un acte du corps. On prend l'objet avec notre main et on le retire du chemin car il est gênant. والحياء شعبة من الإيمان. Et la foi, la pudeur, pardon, est une branche de la foi. Et la pudeur est un acte du cœur. Donc on voit avec cette définition de la foi qu'elle comporte une parole de la langue, un acte des membres et un acte du cœur. Il faut donc obligatoirement, pour avoir une foi, une prononciation, une croyance du cœur et un acte du corps. Et donc pour être musulman, il faut absolument rassembler les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Les Quraysh n'ont pas voulu prononcer, alors qu'au fond d'eux, ils savaient que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait la vérité. Et donc, avec cette définition, mes frères, on voit que cette prétention qu'on entend souvent, hein, surtout lorsqu'on conseille quelqu'un qui est dans la désobéissance notamment, et qu'il refuse notre conseil, hein, la foi, laisse-moi, la foi est dans le cœur. Tu n'as pas à juger, la foi est dans le cœur. On voit la fausseté de cette prétention. Et que cette prétention, la foi est dans le cœur, on vient de voir, la foi elle est dans le cœur, la langue et les membres. Donc on voit que cette prétention, en réalité, elle n'est que pour se dédouaner de ne pas pratiquer. Et ceci est une grande erreur et une tromperie avec lesquelles les gens se leurrent eux-mêmes. Et donc le premier des piliers, le plus important, le premier des 6 piliers, la croyance en Allah, qui consiste à croire qu'Allah est unique, sans associé, qu'il est le seul à mériter l'adoration, il est le seul Seigneur, à savoir qui crée, fait vivre, fait mourir, gère cet univers, octroie, prive. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَكُونُ اللَّهِ. Qui signifie, selon la traduction du sens, demande-leur qui vous pourvoit en bienfait du ciel et de la terre, qui vous accorde l'ouïe et la vue, qui tire le vivant du mort et le mort du vivant, qui règle la bonne marche de l'univers. Ils répondront, c'est Allah. Faqul afala tattaqun, dis-leur, n'allez-vous donc pas le craindre. Croire en Allah, mes frères, c'est croire aux 3 types d'unicité. En délaisser un seul, c'est mécroire en Allah. Ces 3 types d'unicité sont l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans les noms et attributs d'Allah, à savoir qu'il a les plus beaux noms et attributs, que rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est comparable, il entend tout et voit tout. Et enfin, l'unicité dans l'adoration. C'est-à-dire avoir la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul sans associé qui mérite cette adoration. Car il est le seul, comme on l'a dit, qui a les attributs de seigneurie. L'objet de la controverse, c'est-à-dire la dispute entre les prophètes et leur peuple, réside dans l'unicité de l'adoration. Il croit en Allah, mais lui associe dans l'adoration. Également dans l'unicité des noms et attributs, sont apparus beaucoup de sectes, les Jahmiyyah, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, tous ces sectes ont eu des déviances dans le tawhid des noms et attributs. Nous, les gens de la Sunna et du groupe, nous décrivons Allah tel qu'il s'est décrit lui-même, ou tel que l'a décrit son messager, tel qu'il s'est décrit lui-même dans le Coran, ou ce qui est venu dans la Sunna authentique de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Sans dénaturer le sens du mot tahrif, nous donnons au mot le sens qu'il a dans la langue arabe. Sans négation, ta'til, c'est-à-dire on ne vide pas le mot de son sens. Sans décrire ou questionner sur le comment, takif. Et sans anthropomorphisme, c'est-à-dire sans comparer la caractéristique d'Allah à la caractéristique d'une de ses créatures. Concevoir Allah à l'image d'un homme, c'est ça tamthil. On nous dit qu'Allah il a une main et on pense que hachalillah, sa main elle est comparable à notre main, alors que le verset il est clair, laïsa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, rien ne lui est comparable, rien ne lui ressemble, et il entend tout et voit tout. Voici comment nous concevons les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ici un hadith qui se veut général, donc on ne peut pas rentrer dans les détails des sectes, mais il convient à un musulman de connaître les dangers de ces sectes-là. Car n'oubliez pas, mes frères, que le plus complet des hommes est celui qui connaît le bien et connaît le mal. Le bien pour l'accomplir, le mal pour l'éviter. Comme il est venu dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yamen, rapporté par al-Bukhari, notamment et Muslim, où il nous dit « كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني » Les gens avaient l'habitude de questionner le messager d'Allah sur le bien, et je le questionnais pour ma part sur le mal de peur à ce qu'il ne m'atteigne. Donc le musulman apprend sa religion, apprend le bien qu'il doit faire, mais aussi il se renseigne sur le mal pour en avoir conscience et ainsi être en mesure, en toute clairvoyance, de l'éviter et de ne pas tomber dedans. Donc voilà pour le premier pilier de la foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à croire qu'il existe, à croire qu'il est le seul Seigneur, qu'il est le seul qui mérite l'adoration, et qui à croire, c'est-à-dire aux trois types d'unicité que nous avons cités, l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans les noms et les attributs, qu'il a les plus beaux noms et les plus attributs, on a expliqué comment on envisageait ces noms et ces attributs, et à croire qu'il est le seul qui mérite donc l'adoration. Et nous allons nous contenter de cela pour cette intervention, et demain, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala, nous terminerons l'explication de ce hadith avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم بارك الله فيكم كالله vous récompensant bien pour votre écoute attentive et qu'il vous bénisse. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.